viens braquer la piste, je ne braque pas de banque. Je prends juste pour cacher en moins de 10 secondes. C'est vrai, c'est la street, mon bien pas stoppé. Un peu plus de l'OV, c'est la même qu'avant. On a pris des risques, on n'a pas stoppé. Dites à nos ennemis qu'on a pris de Mais vous êtes où? Libreville et Dakar. Mais vous êtes où? Moroni, Conakry.